bienvenue à votre émission de métal progressif, La Brique et le Fanal. La Brique et le Fanal. Bonsoir, bienvenue à cette émission La Brique et le Fanal en ce mardi 11 mai 2010. Mon nom est Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique jusqu'à 21h en remplacement de l'animatrice régulière de l'émission, Michel Proulx, qui a dû s'absenter de la station pour les mois de mai et juin. Je vais donc tenter de la remplacer et d'animer cette émission La Brique et le Fanal qui est de retour comme ça pour une 10e saison d'affilée. Une émission qui chaque semaine, je vous le rappelle, est consacrée au power metal, métal progressif, Doom et rock progressif. Il s'agit de la seule émission consacrée entièrement au métal mélodique à l'horaire de C'est fou. Ce soir, je vous ai concocté une émission très diversifiée. Au cours des 120 prochaines minutes, on va entendre entre autres Aizen, Moon Sorrow, Tear, Hypocrisy, Corpiclani, Catatonia, Dark Tranquility, Symphony X, Devil's Blood, Iron Maiden et Amorphis. Donc, un excellent programme en perspective pour les amateurs de métal à tendance progressive et mélodique. Tout de suite, on va commencer l'émission en force avec un bloc power metal. Dans un moment, on va entendre Armored Saint et Primal Fear. Mais tout de suite, on écoute un extrait d'un classique qui est sorti il y a exactement 30 ans et qui a fait l'objet d'une réédition de luxe qui est sortie aujourd'hui même en magasin. Je parle de British Steel, de Judas Priest, Steeler, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La seule station à diffuser du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM! écoutez le Brick et le Fanal sur les ondes de Sifu jusqu'à 21h. les vétérans Armored Saint avec l'excellente pièce Loose Cannon qui ouvre leur nouvel album La Raza qui est paru il y a quelques semaines et qui est, en fait, c'est le premier album studio d'Armored Saint depuis 10 ans, soit depuis l'album Revelations qui est paru en 2000 que j'avais beaucoup aimé. La Raza aussi, c'est un bon album. Juste avant Armored Saint, on a entendu les Allemands Primal Fury de la pièce Final Embrace qu'on retrouve sur leur deuxième album Jaws of Death de 1999. Ils seront en concert à Québec, Primal Fear, à l'Impérial, le dimanche 23 mai, avec les formations québécoises Southern Cross et Ice Vinland. Les billets sont en vente sur le réseau Billetek. 19h19, vous êtes accompagné d'Alain Lefebvre en remplacement de Michel Proulx à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de C'est Fou consacrée au métal mélodique, métal progressif et power metal. On va maintenant poursuivre avec encore un peu de power metal et de métal scandinave. Dans un moment, on va entendre Iron Maiden avec une longue pièce qui date du milieu des années 80. Mais tout de suite, on écoute les Finlandais de Amorphis avec deux extraits de leur fantastique album Skyforger, un des meilleurs albums de métal qui est paru en 2009. À l'antenne de la Radio Campus, la seule station, absolument la seule, à diffuser du métal à Trois-Rivières, c'est fou! 89.1 FM! vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager tes passions, eh bien, tu peux le faire. Écris un courriel à progcfou@commercialuqtr.ca. Nous sommes à la recherche de chroniqueurs et d'animateurs pour toutes sortes de nouveaux projets. Que ce soit pour la rentrée, l'hiver ou même cet été, écris à progcfou@commercialuqtr.ca ou visite cfou.ca. Les Mal Léchés, Empreinte Galactique, Valsalva, Apocalypse Nightclub. Ils ont tous gagné les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis de 21h, viens découvrir des groupes qui ont du talent. De nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 13e édition mériteront plus de 10 000 en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de leurs chansons sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration musique Daniel Côté, studio Voxstone, La Barrique et studio Newton. Les mardis de la relève du Gambrinus, un événement en production Joshua et CIFU 89.1. On s'appelle une fois semaine, c'est votre source hebdomadaire de nouvelles culturelles, d'actualités diverses, de musique émergente et d'insolites. Retrouvez Simon Fitzbay, les tops de l'insolite et les carreaux dates tous les mercredis après-midi de 15h à 18h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. En rediffusion le samedi de 13h à 16h. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix régulier. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. C'est fou. Sur le net, au cfou.ca. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small. Thank you. Iron Maiden avec la pièce Alexander the Great qui clôture leur album Somewhere in Time de 1986. Je vous rappelle qu'ils seront en spectacle à Ottawa, Montréal et Québec les 6, 7 et 9 juillet prochains avec Dream Theater. Je vous en reparle un peu plus tard dans l'émission. Juste avant Iron Maiden dans le bloc, on a entendu deux pièces de Amorphis, deux pièces tirées de leur album Skyforger, excellent disque, un de mes préférés, qui est paru en 2009. On a entendu, c'est les deux pièces qui ouvrent l'album Sampo et Silver Bride. 19h41, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de C'est Fou consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. C'est Alain Lefebvre qui vous accompagne en musique jusqu'à 21h. On va poursuivre avec un peu de métal progressif, justement. On va entendre dans quelques minutes Devil's Blood. On va aussi entendre Symphony X. Mais tout de suite, on écoute un groupe allemand, Superior, avec God's Funeral, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule à faire tourner du vrai métal en Mauricie. C'est fou! Let's go. will. Out there on the streets, there are millions of souls to sell. Falling to dependence, to late night party stress. Pay for all your sins and make me rich while you confess. We'll be right back. écoutez La Brique et le Fanal sur les ondes de Sifu jusqu'à 21h. Symphony X avec la pièce Sea of Lies qu'on retrouve sur leur album The Divine Wings of Tragedy de 1997. On est sans nouvelles, pas mal de Symphony X, sauf qu'on sait qu'ils sont en studio pour enregistrer le successeur de l'album Paradise Lost qui date tout de même de quelques années. Juste avant ça, on a entendu les Hollandais de Devil's Blood avec Come Reap, la pièce titre de leur premier mini-album.Qui est paru en 2008. Très, très, très bon groupe. Devil's Blood, je les aime vraiment beaucoup. Au début du bloc, on a entendu la défunte formation allemande Superior avec God's Funeral. C'est tiré de leur deuxième album, Unique, paru en 1998. C'est dommage qu'ils se soient séparés. C'est un bon album, ça, Unique. 20h pile, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de C'est Fou consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. C'est Alain Lefebvre qui vous accompagne comme ça en musique jusqu'à 21h en remplacement de Michel Brou pour, qui a dû s'absenter de son émission pour les mois de mai et juin. Donc, je tente de la remplacer comme ça en vous faisant tourner de l'excellent métal mélodique. On va poursuivre avec un peu de métal, je dirais, scandinave, puisque les trois formations qu'on va entendre dans le prochain bloc sont originaires de la Scandinavie. On va entendre Moon Sorrow avec une pièce tirée d'un album que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, Veri Sakit. On va aussi entendre les Féringiens de Tyr, mais tout de suite, on poursuit avec une formation finlandaise très joyeuse, Korpiklaani avec Vodka. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou 89.1, la seule station à diffuser du métal en Mauricie. Ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix réguliers. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. Tex à Paris présente Eclipse Festival 2010, le 10e anniversaire. Du 23 au 26 juillet 2010, spectacle de musique électronique en plein air avec Juno Reactor, Dinox & Bakers, Xerox et Illumination et plus de 60 artistes du Canada et du monde entier qui performeront sur trois différentes scènes. 4 jours de camping sur le magnifique site du Bonnet Rouge Rafting en bordure de la rivière Gatineau. Eclipse Festival 2010, du 23 au 26 juillet prochain. Plus d'informations au www.eclipsefestival.com. Une présentation de Tex à Paris. Mathieu, petite question. C'est juste moi ou tu travailles sur des choses de plus en plus ridicules à chaque fois que je passe te voir? Ben là, t'as le droit de pas aimer ça, mais un peu de respect quand même. C'est ma passion, bricoler. Ouais, excuse. Fait que c'est supposé être quoi exactement? Hey, c'est clairement un simulateur de vol d'oiseau. Dis-moi pas que tu vois pas ça. OK. Puis le malaxeur et le sable laser, c'est pour faire quoi déjà? Oh, Kiwan avait raison. Je pense vraiment que t'as besoin d'aide. Assemblage requis. Tous les jeudis de l'été, de 15 à 18 heures, en rappel les samedis à 16 heures sur C'est Fou. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou comme... C'est fou, c'est comme faire un safari végétarien. écoutez la brique et le fanal sur les ondes de Sifu jusqu'à 21h. Les Finlandais Moon Sorrow. Excellente, excellente formation. On vient d'entendre la pièce Pimea. C'est tiré de leur album Veri Sakit, qui est paru en 2005. Très, très, très bon album que Veri Sakit. Juste avant ça, on a entendu le quatuor féringien Tyr avec The Hunt. C'est tiré de leur album Ragnarok, qui est paru en 2006. Au début du bloc, on a entendu une autre formation finlandaise, Korpikilani, avec la pièce Vodka, qui ouvre leur dernier album, Karkelo, qui est paru en 2009. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, il y en a plein de concerts qui s'en viennent dans le domaine du métal dans les prochains mois. Lundi prochain, le 17 mai, Dark Tranquillity seront au Fofone Électrique. Et le mercredi, le 19, ils seront à l'Impérial de Québec. Mardi 18 mai, Coheed and Cambria seront au Metropolis de Montréal, bien sûr. Vendredi 21 mai, ça c'est vendredi de la semaine prochaine, Trois-Rivières Metal présente Reanimator, And Is Near, Blackwater Pollution et Uriel au stage qui est situé sur la rue Fusée dans le secteur Cap de la Madeleine. Dimanche 23 mai, Primal Fear, formation allemande qu'on a entendue un peu plus tôt dans l'émission. Ils seront à l'Impérial de Québec avec deux formations québécoises, c'est-à-dire Southern Cross et Ice Vinland. Mercredi 26 mai, Lacuna Coil, formation italienne. Excellente formation italienne pour ceux qui aiment le métal, je dirais, un peu gothique. Ils seront au Fofun de Montréal, bien sûr. Samedi 29 mai, une autre formation québécoise, Icewind. Ils seront au stage, encore une fois, du secteur Cap de la Madeleine. Dimanche 30 mai, Hypocrisy, Blackguard, Scar Symmetry, Hate et Swashbuckle seront au Fofun électrique. On va en entendre un peu de Hypocrisy un peu plus tard dans l'émission. Et le lundi 31 mai, ils seront à l'Impérial de Québec. Naglfar seront au Petit Campus le mardi 1er juin et le lendemain, le mercredi, ils seront à l'Agité de Québec. Dying Fetus, R6, excellente formation R6, formation américaine, un quatuor de death metal mélodique dont l'album, leur dernier album qui est paru au début de l'année, est vraiment excellent, Speak of the Devil. Et ils seront avec cinq autres groupes au Fofone Électrique mercredi 2 juin et le vendredi 25 juin, Scorpions et Cinderella, ça c'est pour les amateurs de métal mélodique, ils seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec et le samedi le 26, ils seront au Centre Bell de Montréal, bien sûr. J'en ai parlé un peu plus tôt, Iron Maiden et Dream Theater seront à Ottawa le mardi 6 juillet, le mercredi 7, ils seront au Centre Bell de Montréal et finalement le vendredi 9 juillet, ils seront au Festival d'été de Québec sur les plaines d'Abraham. Jeudi 15 juillet, ce sera au tour de Rush d'être au Festival d'été de Québec. Et le dimanche 18 juillet, Rammstein et Apocalyptica seront à leur tour sur les plaines d'Abraham. Le même soir que Soilwork, Death Angel, Mutiny Within et Swashbuckle seront au Fofun Électrique, bien sûr à Montréal. Megadeth Slayer et Testament seront au pavillon de la jeunesse de Québec le vendredi 23 juillet. Et le lendemain, le samedi, le 24, ils sont au Heavy MTL parce que cette année, oui, le Heavy MTL est de retour. Samedi et dimanche 24 et 25 juillet. Très belle affiche le samedi. Il y a outre Slayer, Megadeth et Testament, il y a Alice Cooper, Mastodon, Fear Factory, Cataclysm, Anvil, ça va être excellent, Anvil, et Rob Alford. Le dimanche, bon, c'est pas mal moins intéressant. Il y a Korn, Lamb of God, Five Finger Death Punch, Hatebreed, Trenches of Blood, ça c'est bon, Winds of Plague, Atreyu, In This Moment, Norma Jean, et bah, il y a à peu près juste Rob Zombie qui est intéressant à mon avis. Dimanche 12 septembre, Catatonia et Swallow the Sun avec Orphan Land. Ça va être bon, Orphan Land. Ils seront au Petit Campus de Montréal. Camelot, Leaves Eye et Blackguard seront au Club Soda le samedi 18 septembre. Dimanche 21 novembre, Epica seront de retour à Montréal au Club Soda. Et finalement, c'est très loin tout ça, toutes ces dates que je vous donne, mais les billets sont en vente depuis un bon bout de temps. Le lundi 22 novembre, il y aura Forbidden, Evil, Gamma Bomb et Bonded by Blood qui seront au Fofun Électrique. 20h29, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanat, la seule émission de C'est Fou consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. Et c'est Alain Lefebvre qui vous accompagne en musique pour encore une trentaine de minutes. On va poursuivre avec justement deux formations qui seront en spectacle bientôt à Montréal et Québec. Dans un moment, on va entendre Dark Tranquillity, mais tout de suite, on écoute Catatonia Idle Blood, c'est tiré de leur dernier très bon album, Night is the New Day, paru l'automne dernier. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM!

Zorn avec Grave Inverse, une pièce tirée de son excellent, excellent troisième album solo, After, qui est paru au début de cette année et qui est encore là, c'est un de mes albums préférés, être paru jusqu'à maintenant en 2010, l'album After de Zorn. Juste avant ça, on a entendu Dark Tranquility avec la version spectacle de Insanity's Crescendo. C'est tiré de leur album Where Death is Most Alive, paru en 2008. Et au début du bloc, on a entendu Catatonia avec Idle Blood, une pièce tirée de leur dernier album Night is the New Day, qui est paru l'automne dernier. Je vous rappelle qu'ils seront en spectacle Catatonia le dimanche 12 septembre avec l'excellente formation israélienne Orphanland. Ça se passe au Petit Campus de Montréal. 20h48, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de C'est Fou consacrée au métal mélodique, au métal progressif ainsi qu'au power metal. C'est Alain Lefebvre qui vous accompagne en musique jusqu'à 21h. On va justement poursuivre avec deux formations qui seront aussi en spectacle prochainement. Je parle de Slayer, mais tout de suite, on écoute Hypocrisy à l'antenne de C'est Fou 89.1. Yeah! Slayer, qui d'autre avec ma pièce préférée tirée du dernier album, excellent dernier album, Well Painted Blood, c'était Psychopathy Red, et je vous rappelle que Slayer sont en vedette au Heavy MTL avec Megadeth et Testament, ça se passe le samedi 24, et la veille, ils seront à Québec au pavillon de la jeunesse. Juste avant ça, on a entendu une autre formation qui sera en spectacle bientôt, celle-ci à la fin du mois, c'est-à-dire le 30 et le 31. Hypocrisy avec la pièce Valley of the Damned qui ouvre leur très bon dernier album, A Taste of Extreme Divinity. 20h56, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi, mes amis. Dr. Pendragon et Sinistros vont suivre dans quelques minutes avec l'émission Réanimation. Je vous laisse avec une dernière pièce, un autre album que j'ai bien aimé qui est paru depuis l'automne dernier, c'est-à-dire l'album de Nile, Those Whom the God Detest. On va écouter la pièce qui ouvre l'album, Kafir, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous à 19h mardi prochain pour une autre émission à la Brigue et le Fanal. N'oubliez pas, Rock Classique, vendredi à midi. Salut!